Si vous n'avez pas rêvé devant l'étoffe des héros, le film de Philippe Cosman sorti en 1983, adapté du roman de Tom Wolfe, peut-être vous laisserez-vous emporter par la série homonyme diffusée actuellement sur Disney+, et qui raconte elle aussi ce destin hors du commun de 7 hommes, les Mercury 7, recrutés pour propulser les États-Unis en tête de la course à l'espace contre la Russie. Une aventure bigger than life dont les Américains ont le secret, qui nous replonge dans les tout débuts de la conquête spatiale, sous le feu des projecteurs lorsque chaque lancement était une prise de risque inouïe et où tout reposait sur les épaules de ces hommes qui jouaient leur vie en direct devant les caméras. Mercury 7, le club des 7, c'est le programme casse-cou qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et qui mieux pour parler de ces Mercury 7 qu'un spationaute qui les a fréquentés et connus, et que nous sommes ravis de recevoir de nouveau au micro de la méthode scientifique. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. Mille merci d'être avec nous au cours de cette heure. Vous êtes donc spationaute à l'Agence spatiale européenne. Vous allez nous raconter le destin assez invraisemblable de ces tout premiers astronautes américains, et puis le regard que vous portez là-dessus et sur la formation des astronautes aujourd'hui. Mais avant de parler de tout cela, eh bien on commence par le tour de l'actualité scientifique du jour avec le Journal des sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec DeepMind, l'intelligence artificielle de Google, qui aurait résolu un problème qui défie les biologistes depuis 50 ans, le problème de repliement des protéines. DeepMind, l'intelligence artificielle qui maîtrise le jeu de Go, va peut-être bouleverser la biologie. L'un des grands défis scientifiques, c'est le problème de repliement des protéines. Ce que fait une protéine, comment elle fonctionne, cela est déterminé par sa forme 3D. Les protéines sont constituées de chaînes unidimensionnelles d'acides aminés qui se replient ensuite dans une structure 3D. Aujourd'hui, pour obtenir de bonnes structures protéiques, il existe la cryomicroscopie électronique et la cristallographie au rayon X. Des méthodes expérimentales très coûteuses, longues et non sans défaut. Hier s'est tenue la conférence du dernier CASP. Le CASP, c'est une biennale mondiale où des équipes en compétition cherchent à prédire les structures de protéines qui ont déjà été résolues mais qui sont tenues secrètes. Le programme de DeepMind, baptisé AlphaFold, a été très remarqué. AlphaFold est une IA de deep learning qui a été entraînée avec 170 000 structures protéiques. Elle a prédit la structure d'une protéine bactérienne à partir de sa séquence d'acides aminés en seulement 30 minutes et avec un degré de précision de 92%. Les scientifiques parlent d'un bond de géant qui pourrait révolutionner la recherche fondamentale en biologie. AlphaFold pourrait aider les chercheurs à démêler la structure de centaines de millions de protéines et donc à trouver de nouveaux médicaments. Et si vous voulez tout comprendre et tout savoir sur le repliement des protéines, eh bien il suffit non seulement d'écouter le Journal des sciences, mais d'aller vérifier ensuite les liens que nous postons sur notre fil Twitter, @lamethodefc, ainsi que sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et on passe au bref. Alors que le Danemark est en train d'abattre des visons contaminés par le SARS-CoV-2, une centaine de ces visons se seraient peut-être enfuis, Natacha. Oui, les experts savent que chaque année au Danemark, quelques milliers de visons parviennent à s'échapper des fermes. Or, il se peut que 5% de ces animaux aient peut-être été infectés et qu'ils courent à présent dans la nature. Le risque, c'est de voir le virus élargir sa gamme d'hôtes et de le voir infecter de nouvelles espèces. Les visons échappés pourraient potentiellement contaminer des chats, des furets ou des chiens par contact direct ou via leurs excréments. Cela pourrait ainsi créer un nouveau réservoir pour cette variante du virus et donc diminuer l'efficacité d'un vaccin. À Singapour, une femme positive au Covid pendant sa grossesse a donné naissance à un enfant qui porte des anticorps contre le SARS-CoV-2. Et au bout de 10 semaines de grossesse, cette femme a été diagnostiquée positive au SARS-CoV-2. L'enfant est né en novembre et il semble avoir acquis les anticorps protecteurs de sa mère. Cela suggère que les nouveau-nés des femmes qui sont tombées malades sont protégés, du moins pendant un temps. Peut-être que les anticorps contre la Covid-19 traversent le placenta, néanmoins d'autres études sont nécessaires pour connaître la durée de l'immunité de ces nouveau-nés. Et enfin, selon une étude parue dans Frontiers in Ecology and the Environment, plus le climat se réchauffe, plus le lierre se multiplie dans les forêts européennes. Une équipe belge a comparé les données de 40 régions forestières en Europe sur plus de 1800 parcelles de 1933 à 2015. Le lierre s'est propagé à plus de 14% dans nos forêts. Sur certains sites, il a même pris la place d'autres plantes et a supprimé les fleurs des bois. Aucune autre espèce végétale ne s'est multipliée de la sorte. La hausse des températures expliquerait la propagation du lierre, la pollution à l'azote liée à l'agriculture et la combustion de combustibles fossiles ont peut-être également accéléré la croissance de cette plante invasive. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Pour ma génération, ils avaient le visage d'Ed Harris, de Sam Shepard, de Dennis Quaid. Ce sont deux nouveaux visages qui viennent aujourd'hui incarner les Mercury Seven dans une nouvelle adaptation de L'étoffe des héros, le roman de Tom Wolfe, qui était porté à l'écran par Philip Kaufman en 83, qui est aujourd'hui décliné en série et en documentaire sur la chaîne de streaming Disney+, un documentaire derrière L'étoffe des héros qui est rempli d'images inédites, extraites notamment des archives de l'un des Mercury Seven, John Glenn, et qui nous replonge l'un et l'autre dans cette aventure assez époustouflante des tout début de la conquête spatiale américaine, à l'époque où les Russes faisaient la course en tête et où il fallait jouer à chaque lancement le tout pour rattraper ce retard. Retour donc en arrière, le fin février 1962, John Glenn est dans le module Mercury. Nous sommes 10 mois après le vol de Yuri Gagarin, le lancement de la fusée Atlas est diffusé en direct à la télévision. 45 secondes. Voilà le lancement de ce module Mercury avec à son bord John Glenn qui était le vétéran de ces Mercury 7 et qui sera le premier américain à effectuer un vol orbital. Jean-François Clairvoy, peut-être une réaction à cette archive que vous venez de réentendre. Oui, c'est un moment historique du côté américain. John Glenn est très connu comme le premier américain en orbite et beaucoup de gens pensent que c'est le premier dans l'espace. En fait, il y en a deux avant lui qui sont allés dans l'espace, mais ils n'ont pas atteint la vitesse orbitale. Mais John Glenn est connu surtout parce que entre son premier vol en 62 et son deuxième à 77 ans en 1998, il a le record de temps écoulé entre deux missions spatiales et aussi du plus âgé à ce jour. Mais il faut dire que il était en excellente santé, même à 77 ans. Il avait son bureau à côté du mien à Houston. Il allait à la gym tous les jours. Il pilotait toujours son bimoteur. Enfin, il n'était pas représentatif de sa population à son âge, je pense, parce qu'il s'entretenait probablement, puis il avait une bonne étoile. Quand on revoit, je dois dire, ces images, et notamment les images du documentaire Derrière l'étoffe des héros, qui, comme je le disais, reprennent beaucoup d'archives de John Glenn, mais aussi d'images télévisées, on se rend compte, et moi ce qui m'a surpris vraiment, à quel point ces hommes jouaient leur peau, enfin à quel point vraiment le niveau de danger, le niveau de risque est extrêmement prégnant, quoi. Oui, mais sélectionné justement parmi des pilotes d'essai dont c'est le métier de tester de nouveaux aéronefs, de nouveaux systèmes, à l'époque, si vous regardez la nécrologie, beaucoup de pilotes d'essai succombaient lors d'essais en vol. Donc, c'était dans leur ADN d'aller explorer de nouveaux territoires, en particulier dans le monde aéronautique, donc de nouvelles attitudes, de nouvelles vitesses, de nouveaux moteurs, de nouvelles commandes de vol. Souvenez-vous, les tentatives de passage du mur du son ont échoué souvent et se sont terminées par des crashs avant le vol de Chuck Yeager, le fameux premier vol supersonique habité réussi. Donc, ils étaient un peu dans cet état d'esprit déjà d'être ouvert à en quelque sorte un métier d'aventure. Et à prendre des risques qui nous paraissent effectivement assez immenses aujourd'hui. Quels sont les souvenirs que vous gardez, vous, Jean-François Clairvoy, de cette époque et de ce rattrapage à marche forcée de la course spatiale par les États-Unis après les premières annonces de la Russie? Alors, moi, je me souviens avoir commencé à collectionner, quand j'avais 7-8 ans, des pièces de monnaie, des timbres, parce que le professeur en primaire nous incitait à nous intéresser à cette conquête de l'espace. Et j'avais l'impression que je le vivais comme une compétition à l'époque de Mercury, alors qu'à l'époque d'Apollo, pour moi, je l'ai vécu comme une aventure de l'humanité. Mais ces astronautes à l'époque, c'était vraiment les modèles d'audace. Voilà. Alors, quand on dit qu'ils acceptaient le risque, c'était pas quand même en casse-cou. Faut bien l'expliquer. Ils acceptaient pas de partir sans avoir tout étudié. C'est-à-dire que les ingénieurs, les techniciens eux-mêmes essayaient d'imaginer tout ce qui pouvait se passer différemment de ce qui était prévu. Et ils préparaient des scénarios de secours, mais parfois ça se terminait mal. Mais c'est une époque vraiment de pionniers, d'aventuriers, et j'ai même tendance à dire de cow-boys, parce qu'ils explorent de nouveaux territoires avec cet état d'esprit américain d'aller là où on n'est jamais allé, et puis on va voir, et on espère qu'on va aider notre nation à faire des bons en avant. On va voir que cette histoire des Mercury 7, c'est une histoire effectivement assez incroyable. Je disais bigger than life, hein, plus vrai que nature, plus grande que nature. C'est vraiment une histoire américaine et c'est celle que nous vous racontons tout au long de cette heure. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h12 sur France Culture, nous parlons donc des Mercury 7 qui ont inspiré le roman de Tom Wolfe, L'étoffe des héros, dont vous connaissez évidemment certainement le film et qui est redécliné en série actuellement et dans un documentaire avec des images, et j'insiste, assez incroyables, diffusées en ce moment sur la chaîne Disney+. Nous en parlons avec Jean-François Clairvoy de ces 7 premiers astronautes américains. Peut-être qu'on peut rappeler tout de même, parce que c'est extrêmement important, cette aventure, c'est avant tout, Jean-François Clairvoy, une aventure politique, parce que en 57, quand la Russie envoie Sputnik en orbite, tout le monde est surpris, c'est-à-dire que vraiment, la communauté internationale est complètement prise de court. Oui, premier satellite en orbite, premier être vivant en orbite avec Laika, le deuxième vol dans l'histoire orbitale, il y a déjà un animal dedans, Laika. Donc le lancement a été réussi, la mise en orbite aussi. Le système de refroidissement, de régulation thermique n'a pas fonctionné. Donc Laika, on pense, n'a vécu que quelques heures. Mais premier homme dans l'espace, premier homme qui sort dans l'espace, première femme dans l'espace, première photo de la face cachée de la Lune. Il y a successivement, chaque année, parfois plusieurs fois en une année, des premières soviétiques. Et qui à chaque fois, frustre et vexe encore plus les Américains. C'est pour ça qu'ils vont mettre les bouchées doubles à chaque fois qu'ils perdent une étape. Parce que effectivement, Laika, il y a les deux missions Luna, les trois missions Luna d'ailleurs. Comment expliquer d'ailleurs qu'à cette époque la Russie est à ce point-là une longueur d'avance, parce qu'on a l'impression que la Russie effectivement réussit ses coups les uns après les autres et que techniquement la technologie soviétique est plus efficace, plus puissante, plus solide que la technologie américaine qui se casse le nez. Alors, c'est en fait parce qu'on ne connaît que les succès du côté soviétique. Oui. Mais derrière les succès, il y a eu énormément d'échecs dont on n'a pas parlé parce que c'était resté ultra secret. Mais je pense que le facteur numéro un, c'est d'abord ce qu'on appelle le grand constructeur, le chef ingénieur, Korolev, qui est un génie. Voilà, c'est un génie de l'astronautique. Il est imprégné du savoir nécessaire pour réussir. Il fait les bons choix techniques. Et c'est pas facile à l'époque de faire les choix quand vous avez plusieurs solutions. Et il réussit donc les premières qui sont critiques. puisque quand vous emportez un humain pour la première fois, c'est important que ça marche. Parce que si le premier vol d'un humain se soldait par un échec, c'est catastrophique non seulement pour l'image, mais pour l'histoire de l'astronautique en général. Et Korolev est un très très grand ingénieur en astronautique qui a permis cet essor. Et côté américain, d'ailleurs, il y a son pendant Wernher von Braun, dont on va peut-être parler. Sans lui, il est probable que les Américains n'aient pas gagné la course à la Lune. Parce que effectivement, Korolev, c'est le concepteur du R7, hein, qui va être en fait le missile intercontinental qui est à l'origine utilisé pour envoyer bien les premiers modules russes dans l'espace. Et on dit que ce missile R7, en fait, était tout de même nettement plus puissant que les modèles de V1, V2 qui ont été utilisés au tout début par la NASA, et que la Russie avait juste une puissance de déploiement dans l'espace qui était supérieure à celle des Américains. C'est vrai ça, Jean-François Clairvoy? Ouais, c'est-à-dire, c'est quand on compare comme ça, très simplement, on dit les Russes, c'est la grosse quincaillerie, les tôles des fusées sont plus épaisses, ils prennent beaucoup plus de marge, et donc ils mettent des énormes moteurs dont on n'a peut-être pas besoin, on n'a pas besoin de cette puissance-là, mais avec toutes ces marges, eh bien, ils arrivent à flirter, à moins flirter, je veux dire, avec le petit truc qui fait que ça ne va pas marcher. Côté américain, on fait des calculs plus précis, et les fusées d'aujourd'hui sont encore avec une marge encore plus fine qu'à l'époque. Mais voilà, c'est la grosse machinerie, comme on dit, mais qui marche. Et en plus, quand ça marche, on conserve le système. Alors que dans le monde occidental, les ingénieurs aiment bien à chaque fois réinventer quelque chose de plus performant, de nouveaux matériaux, de nouveaux alliages, de nouvelles électroniques. Mais vous savez, dans le vaisseau Soyouz qui lance encore des cosmonautes aujourd'hui, il y a peu de temps, on avait encore des instruments qui étaient les mêmes que ceux qui volaient dans le vaisseau de Gagarine. Donc c'est un peu une différence d'état d'esprit aussi qui a permis cette progression forcée côté soviétique. On le disait, hein, octobre 57, début octobre 57, c'est le lancement de Spoutnik. Laïka est envoyée en novembre 57. Puis on a ensuite, en 59, les missions Luna qui survolent la Lune. Les premiers clichés de la face cachée de la Lune par Luna 3. Très très vite, les États-Unis réagissent avec donc la création de la NASA en 58, sous la direction, vous en parliez, Jean-François Clairvoy, de Wernher von Braun. Racontez-nous un peu d'où vient ce Wernher von Braun et qu'est-ce qui va impulser, puisque vous nous le disiez, sans lui, peut-être certainement que les États-Unis auraient raté, n'auraient pas réussi à envoyer des hommes sur la Lune, n'auraient pas réussi leur défi de la course à l'espace. Pourquoi ? On pense souvent que Wernher von Braun, c'est vraiment le premier ingénieur en astronautique qui a réussi à concevoir une fusée qui a marché. Donc ce sont les V2 et à l'époque, les ingénieurs les plus avancés, parce que ceux qui avaient passé le plus de temps à travailler sur ces sujets, se trouvaient à Peenemünde en Allemagne et développaient les missiles lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'arrêt de la guerre, bien sûr, les différentes puissances spatiales ont essayé de s'arracher tous ces experts. Et les Américains ont réussi à récupérer von Braun, qui était donc allemand, et il a pris la nationalité américaine, il a grimpé en grade, il a été directeur d'un des grands centres spatiaux de la NASA, et il a été le constructeur en chef de la fusée Saturne V, et donc celui qui a, je dirais, posé les bases du plan qui allait permettre d'aller sur la Lune. Donc, comment aller sur la Lune? C'est un vaisseau qui part en orbite autour de la Lune, qui se sépare en deux. Et pour ça, il fallait maîtriser le rendez-vous dans l'espace, ce qui n'est pas évident. Le rendez-vous spatial, je rappelle, c'est un vaisseau qui est au sol, à l'arrêt, qui doit rejoindre un autre vaisseau qui est déjà en orbite à 28 000 km/h. Et le premier qui est au sol doit décoller de façon à rejoindre l'autre en patrouille serrée, comme la patrouille de France, à quelques centimètres ou mètres l'un de l'autre, à des vitesses phénoménales. C'est pas du tout évident à gérer. Il faut maîtriser le rendez-vous spatial, il faut maîtriser les sorties dans l'espace. Il n'est pas question de poser des personnes sur la Lune sans pouvoir les faire sortir et marcher. Donc il faut concevoir des scaphandres qui permettent de sortir dans le vide. Tout ça, c'est le programme Gemini. Et von Braun l'a conçu assez tôt, toute cette chaîne de programmes successifs qui vont chacun permettre le déploiement du programme suivant. Mais voilà, von Braun, il est capturé en quelque sorte, réquisitionné par les Américains avant que les Soviétiques ne se l'accaparent, et c'est comme ça que chacun a bénéficié des ingénieurs, si je puis dire, qui avaient travaillé au départ sur les V2. Mais c'est une technique qui est très difficile. Vous savez, lancer une fusée, c'est comme tenir en équilibre un crayon sur votre doigt en le propulsant violemment vers le haut. Il faut tenir l'équilibre. C'est la discipline la plus difficile, la rocket science. Concevoir un satellite, c'est à la limite moins difficile. Les énergies à maîtriser sont moins importantes. Il faut savoir que dans un lancement de fusée comme Saturne V ou les grosses fusées russes, Ariane, on parle de dizaines de gigawatts de puissance mécanique. Pour vous donner une idée, si c'était électrique, c'est typiquement la puissance installée dans la France entière, tout utilisateur d'électricité confondu, les usines, les TGV, les particuliers. Et maîtriser cette énergie, c'est très difficile. Donc, il faut des personnes qui ont le sens, qui ont l'intuition, qui sont presque inspirées par je ne sais pas quel savoir qui les transcende et qui leur donne ce savoir-faire inouï, à une époque où on ne connaît rien. Comment va naître du coup la NASA, donc on l'a dit, est fondée le 29 juillet 58. Comment va naître justement ce projet Mercury? C'est le premier projet d'envergure de la NASA. De quoi s'agit-il et comment est-ce qu'on va aboutir justement à ces recrutements des Mercury 7, Jean-François Clairvoyant? Alors, la NASA, c'est au départ la NACA, avec seulement le mot aéronautique et le C pour construction aéronautique. On a rajouté le S quand la branche spatiale civile est devenue une nouvelle branche de la NASA. Donc, c'est devenu la National Aeronautic and Space Administration. Beaucoup de personnes pensent que la NASA, c'est l'agence spatiale américaine. Mais c'est aussi et beaucoup une agence aéronautique. C'est un peu comme si en France, on réunissait l'ONERA et le CNES. Centre de recherche aéronautique et centre d'études spatiales. Et la NASA naît donc la même année que moi d'ailleurs, donc c'est je m'en souviens bien, on fête nos anniversaires en même temps. et donc la NASA a pour mission du gouvernement de développer un programme spatial, de faire une proposition d'une feuille de route avec l'objectif, comme l'annoncera Kennedy, de placer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf avant la fin de la décennie. Alors, quand il fait ce discours, en mai 61, devant le Congrès, encore aucun Américain a volé en orbite, et il dit, ce sera le projet le plus impressionnant, donc il dit clairement, c'est pour impressionner, mais ce sera très important pour l'exploration future de l'espace. Il a déjà conscience que en forçant un progrès technologique, en forçant les ingénieurs, les scientifiques à travailler sur cette mission, on servira quelque part l'astronautique du futur. Et c'est vraiment le cas. Et du coup, il y a plusieurs programmes qui vont s'enchaîner dans les années 60 jusqu'au programme Apollo. Le premier de ces programmes, c'est le programme Mercury. Quelle est l'ambition justement de ce programme Mercury qui commence dès 1958 et comment est-ce qu'il va se structurer justement autour de ce recrutement des fameux Mercury 7? Alors, Mercury, c'est juste être capable de placer un être humain en orbite et le ramener sain et sauf. Et au passage, prendre quelques mesures physiologiques, vérifier qu'il réfléchit toujours normalement, qu'il agit normalement et qu'il perçoit normalement ce qu'il y a autour de lui. Voilà. On lui demande pas beaucoup de tâches complexes de travail. On va, au cours des missions Mercury, on va leur donner quelques tâches de pilotage, vérifier qu'ils savent piloter le vaisseau pour changer d'orientation. Mais c'est surtout, l'homme peut-il vivre et travailler dans l'espace pendant quelques orbites? Et une personne à bord, et le plus rapidement possible, égaler les Russes. Alors bien sûr, il faut des astronautes pour ce premier programme Mercury. Et pour ça, il y a une sélection qui se termine par les First Seven, les sept premiers, dont un, malheureusement, est disqualifié 2 mois avant son vol. Donc on a eu 2 vols suborbitaux de Shepard et Grissom, puis le premier vol orbital de John Glenn, et le deuxième vol orbital devait être celui de Dick Slayton, qui a été disqualifié pour un problème d'arythmie cardiaque, mais qui a servi, qui s'est donné entièrement au programme. Il est devenu chef des astronautes, il est devenu chef, donc c'est lui qui a affecté tous les équipages à toutes les missions Mercury et Apollo, il est devenu chef du programme d'essai de la navette spatiale, et pour le remercier, je pense qu'on a Même si on dit qu'il avait plus de problèmes dans les années 70 à son cœur, on lui a dit, écoute, tu es à nouveau apte et tu vas pouvoir voler sur la mission Apollo Soyouz. Donc il a quand même volé dans l'espace finalement. Les sept... Et en plus pour la mission Apollo Soyouz qui n'est pas, qui, enfin, voilà, qui était une mission symboliquement et géopolitiquement importante. On va revenir sur chacun de ces Mercury 7 et sur ce processus de recrutement. Peut-être qu'on peut parler, dire un mot, Jean-François Clairvoy, là aussi, de la capsule Mercury. Quand on revoit ce que c'est, et on vient de vous poster là sur notre fil Twitter @laméthodefc un certain nombre d'images, la capsule Mercury, c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. C'est minuscule, c'est extrêmement exigu. C'est pour ça que quand je revois ces images, je me dis mais il fallait être fou pour monter là-dedans et pour se dire qu'on allait être propulsé dans l'espace dans cette coque de noix parce que c'est tout petit quoi. Oui, alors fou, c'est peut-être pas le terme que j'accepterais. Courageux. Faut être dingue. Oui. Dingue, pour moi, c'est la façon gentille de dire être fou. Mais même moi, vous savez, tous les astronautes, avec du recul, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de monter en haut de ces centaines de tonnes d'explosifs? Mais eux, ce sont des pilotes d'essai. Et pour eux, c'est un vol d'essai. C'est-à-dire, ils le prennent, à la limite, presque comme un avion qui n'a pas d'aile et qui décolle verticalement. Et qui va leur permettre d'aller encore plus haut. Un pilote d'essai, c'est toujours, qu'est-ce qui va me permettre d'aller encore plus haut et d'être encore plus rapide que les autres? Voilà. Et alors, on a sélectionné, au départ, on pensait sélectionner des civils, ouvrir aussi aux femmes, etc. Et je crois que c'est sur l'impulsion de la Maison Blanche qu'on a dit, bon, on va pas prendre de risques. On va sélectionner parmi les personnes qui sont déjà dans un type d'activité qui ressemble à ce qu'on va leur demander. Donc, faisons appel à tous les pilotes d'essai en activité dans les armées, donc la Navy, l'armée de l'air, les Marines, et puis on va appliquer des tests de sélection qui successivement, comme un effet d'entonnoir, vont nous permettre de réduire le nombre à une taille raisonnable. Donc à la fin, ils sont une trentaine, et puis ceux qui sont vraiment annoncés à la presse, à la fin de la sélection, qui s'entraînent spécifiquement pour le programme Mercury, ils sont sept. Sept pilotes d'essai, un marine, c'est John Glenn, et les six autres, c'est trois de l'armée de l'air et trois de la Navy. Alors oui, les marines, il n'y a pas l'équivalent en France. C'est une unité spéciale. Ce n'est pas ce qu'on appelle les marines en anglais. Ce sont pas les marins. Les marins, c'est la Navy, mais ils sont dérivés historiquement de la Navy. Et sur les sept, six sont pilotes de chasse au départ, puis pilotes d'essai. Et Scott Carpenter, est pilote d'avion lourd, multimoteur, mais aussi pilote d'essai. Donc tous ont cette formation, au-delà de la profession de pilote militaire, et certains sont allés faire la guerre, ont été au combat, ils ont cette formation consistant à tester pour la première fois certains avions ou certains équipements ou certaines tuyères, certaines formes, certaines commandes de vol. Donc ils sont dans l'état d'esprit de quelqu'un qui va tester un nouveau système mais qui a un siège éjectable. Donc sur Mercury, il n'y a pas de siège éjectable, comme vous le dites, c'est une place, on met juste autour la structure qui permet de placer un siège avec un bonhomme. Donc c'est une toute petite capsule conique, comme vous dites, minuscule, avec aucune possibilité de se déplacer, il n'y a pas de volume, alors que vous savez, Gemini, même s'ils étaient deux, il y en a qui ont passé quand même 15 jours dans l'espace, dans Gemini, mais ils pouvaient se débrêler avec une certaine possibilité de faire un peu de gymnastique, enfin pas de gymnastique, d'avoir un peu de mouvement. Dans Mercury, on peut pas bouger du tout. Il n'y a pas un centimètre carré d'espace libre. Donc il était peut-être brûlé, et comme c'est la toute première fois que la NASA n'existe tout juste, ou elle existe tout juste à l'époque, c'est la première fois qu'ils sélectionnent, ils savent pas gérer les astronautes. Et les astronautes, en fait, ils arrivent, ce sont les premiers, une fois qu'on a commencé à investir sur eux, ben, ils se sentent tout puissants. Donc, ils défient facilement l'autorité, la hiérarchie, ils font un peu à leur guise, et puis ils imposent aussi un peu leur point de vue, notamment quand il faut installer un hublot en disant, écoutez, si c'est pour pas mettre du hublot et pas piloter, à quoi on sert? Donc il y avait une question d'honneur aussi pour ces hommes. Ce qui est assez, on dit de ces Mercury 7 que ce sont les hommes qui ont été les plus examinés de l'histoire de l'humanité, et physiquement et psychologiquement, et de manière assez rude et assez brutale, qu'on les a fait passer à des batteries de tests qu'on ne fait plus du tout passer heureusement aujourd'hui aux astronautes, et que ils ont vraiment été secoués très très durement pour tester leur capacité, ou en tout cas voilà. voilà, leur ambition certainement un peu également à aller piloter ces capsules spatiales. Alors, les plus testés physiquement de l'histoire des États-Unis, oui, mais pas de l'humanité, parce que les Soviétiques ont au moins testé aussi sévèrement tous leurs premiers candidats, et je pense probablement un peu plus. C'est-à-dire que ça consistait en quoi, ces tests? Alors, des tests consistent à soumettre le corps humain aux sollicitations physiques d'efforts, de température, de pression, de nombre de G, de basculement de l'oreille interne, à la limite de ce que l'on pense être la tolérance pour un corps humain. Donc, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils allaient ressentir dans l'espace, ce qu'ils allaient subir, et notamment pour le nombre de G, c'est-à-dire l'accélération qui vous tasse sur votre siège. Donc effectivement, à l'époque, on imaginait toutes sortes de tests, et c'est réaliste ce qu'on voit dans le film L'étoffe des héros, dans Derrière l'étoffe des héros, donc le documentaire exclusivement sur l'image d'archives que vous voyez, y compris dans la série Disney Plus L'étoffe des héros. Et effectivement, tous ces tests que vous voyez appliqués aux astronautes ont vraiment existé. La centrifugeuse, la chambre d'altitude, le tabouret tournant, le test de vomissement, le petit manège qui tourne dans tous les sens. Et les Russes avaient à peu près les mêmes aussi, mais chez les Russes, ils avaient même un écartomètre. C'est-à-dire que on tirait sur les bras et les jambes pour voir à quel moment ça faisait mal au point qu'il fallait arrêter, quoi. C'est assez sidérant. Oui. Et ça, c'est parce qu'on ne connaissait rien. Mais au fur et à mesure qu'on a acquis du savoir sur comment le corps humain se comporte exposé à la pesanteur continue en orbite terrestre, on a réduit un peu les tests aux basiques qui sont identiques à ce qu'ils vivent actuellement dans l'espace. Donc, y compris dans ma sélection en 1985, donc nous étions sept avec Claudie, Jean-Pierre Aigneret, Michel Tonini, Frédéric Patta, Jean-Jacques Favier, Michel Viseau. On a fait la centrifugeuse à 5G verticalement, à 8G, 10G horizontalement, la chambre d'altitude où on fait quasiment le vide jusqu'à ce que vous tombiez presque dans les pommes, le tabouret tournant qui tourne, alors qui était pris sur le protocole russe mais qui est pas loin du protocole américain, on tourne à la vitesse d'un 33 tours, hein, vous savez, ceux qui connaissent les vignettes de l'époque, 30 tours par minute, il faut basculer la tête d'avant en arrière, de gauche à droite toutes les 5 secondes, la table basculante, tous ces tests, en fait, on continue à être appliqués dans toutes les sélections parce qu'ils représentent des effets que nous allons vivre dans l'espace. C'est seulement lors des toutes dernières sélections, par exemple la dernière sélection de l'Agence spatiale européenne il y a 10 ans, où on a décidé que ces tests n'étaient plus nécessaires parce qu'on sait examiner médicalement suffisamment finement un candidat astronaute pour savoir dire à l'avance que si on le met dans une centrifugeuse, si on le met dans une chambre d'altitude, si on le met sur un tabouret tournant, si on le met sur une table basculante, on sait que ça se passera bien. Donc les derniers candidats n'ont pas du tout fait ça en Europe. Mais jusque dans les années 80, effectivement, un sous-ensemble de ces tests torture de l'époque de l'étoffe des héros était encore appliqué aux sélections d'astronautes. Mais comme vous dites, au début, on ne connaissait rien, donc la partie physique était très importante. On va continuer à parler de cette aventure des Mercury 7 et puis finalement de la façon dont ces hommes avec la NASA ont permis aux États-Unis de rattraper leur retard sur la Russie avec ensuite l'issue que l'on connaît de la mission Apollo 11. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. They say the working class is dead, we all consumers now. They say that we have moved ahead, we all just people now. Some people doing frightfully well, and others on a shelf. Never mind the second kind, this is the age of self. Mm-hmm. instead. Movement will disintegrate like castles built of sand. To say we need new images to help our people grow. To say that life is broader based as if we didn't know. Some people doing frightfully well and others on the shelf. But never mind the second kind, this is the age of self. Age of Self de Solaris Great Confusion à 16h35 sur France Culture, toujours en soutien à la scène musicale indépendante française qui chante certes en anglais, mais ça reste des groupes français à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons tout au long de cette heure des Mercury 7, ces 7 astronautes américains, les 7 à avoir été sélectionnés pour rattraper le retard américain face à l'exploration spatiale russe, et nous en parlons en compagnie de Jean-François Clairvoy. Pourquoi ? Eh bien parce que sur la chaîne Disney+, une série adaptée de L'étoffe des héros qui raconte le destin de ces 7 hommes, et un documentaire passionnant à base d'images d'archives, notamment CD légué par John Glenn, raconte bien cette aventure spatiale incroyable. Je propose d'écouter un extrait de la série. Where's the kid? Test pilots aren't our only option. What about acrobats? Jockeys. They're small, they could easily fit into the capsule. Lenny! Two. Only two signed on? Only two declined. We've got 3 days to narrow the list from 108 to 32. Yes. 1 week of medical and psychological evaluation. Lieutenant Clark, please. Glenn Lunny, space tasker. Your itinerary is on its way. It'll arrive by courier tomorrow morning. Oh, that's great. I thank you, Mr. Gilbreth. You really want this, don't you? You remember when we were kids? Wills Creek. I always thought if I just went a little further, one day I'd come around a bend and then I'd be the first person to step foot somewhere new. That wasn't true. I mean, every inch of the world has been picked over. Well, you're almost... Voilà un extrait en anglais où vous entendez bien à la fois les processus de sélection de ces Mercury 7 et dans un deuxième temps la voix de John Glenn qui explique que c'est le plus âgé de ce groupe-là et que malgré cela il va se battre pour être recruté parmi ces Mercury 7. On le disait, Jean-François Clairvoy, ce qui est intéressant, c'est que on parle beaucoup du fait que ces recrues étaient des casse-cou, en tout cas des pilotes d'essai aguerris à prendre des risques, mais c'était aussi ils ont été aussi sélectionnés sur leur capacité intellectuelle, puisque j'ai vu que tous avaient un QI compris entre 135 et 147. Oui, en fait, nous avons parlé tout à l'heure des tests physiques, mais bien sûr, il y avait des tests psychologiques sur deux personnalités, des tests psychomoteurs d'adresse gestuelle, et pour ces deux aspects-là, on sait qu'un pilote d'essai qui a été qualifié pilote d'essai, c'est que il est particulièrement adroit sur le plan gestuel, de la prise de décision rapide, et il est bien câblé mentalement, c'est-à-dire il résiste bien au stress pour continuer à réfléchir posément et correctement. Et puis il y a les tests aussi psychotechniques, c'est les tests de QI, les tests d'intelligence, et tous d'ailleurs, dans les 7 qui ont été sélectionnés, tous avaient ou ont terminé un niveau d'études scientifiques en parallèle de leur carrière de pilote. Donc, il fallait des personnes qui comprennent techniquement comment fonctionne le vaisseau. Donc, il fallait qu'ils aient des connaissances en propulsion, en électricité, en thermique, etc., qui soient peut-être plus avancées que ceux dont ils ont besoin en tant que pilote d'essai. Et c'est vrai qu'il fallait donc des personnes qui soient bien à la fois dans leur corps et dans leur tête, bien sûr. C'est intéressant parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, Jean-François Clairvoy, il y a un programme similaire qui a été poursuivi pour recruter des femmes, 13 en l'occurrence, les Mercury 13 en l'occurrence, mais finalement, eh bien, après le processus de recrutement qui a eu lieu, ces femmes n'ont pas été amenées à voler. Peut-être un mot là-dessus, il y a un documentaire aussi qui est diffusé, qui doit être accessible, je crois, encore sur Netflix à ce propos, qui est assez passionnant. Les États-Unis ont raté cette porte-là, cette porte de la parité, et finalement d'avoir des pilotes féminins en même temps que des pilotes masculins. Alors c'était une sélection, c'est vrai que c'était une sélection sur des bases privées d'une association privée en parallèle de celle de la NASA. C'est-à-dire, la NASA au départ a envisagé d'ouvrir la sélection à tous les profils, mais quand elle s'est résolue de démarrer le processus, elle s'est arrêtée uniquement à des pilotes d'essai, donc anciens pilotes militaires, et qui à l'époque ne pouvaient être que des hommes, puisque les vols d'avions militaires n'étaient pas ouverts aux femmes à l'époque. Donc l'initiative de l'association privée qui a procédé à une sélection à l'identique de celle des hommes, les mêmes tests médicaux, les mêmes tests psychologiques et physiques, et qui ont réussi au moins aussi bien que les hommes, en fait, n'a jamais été reconnue officiellement par la NASA, qui n'a donc jamais embauché la moindre de ces femmes qui a été finaliste victorieuse, qui ont été finalistes victorieuses de cette sélection en parallèle. Donc c'est dommage d'ailleurs, parce que je pense que les tests étaient suffisamment poussés pour que, une fois arrivés au bout, on pouvait largement se dire que ces femmes auraient parfaitement fait le job. Mais vous savez, quand vous connaissez rien d'une personne, si vous savez que dans son métier précédent elle a été pilote d'essai d'avion à haute performance, sans rien savoir de plus de cette personne, vous savez déjà que sur le plan médical, physique, intellectuel, psychologique, il y a déjà les bases fondamentales. Vous ne faites pas un pari sur le fait de vous tromper. Voilà. Alors que les femmes, elles avaient des métiers auparavant qui étaient peut-être des métiers de pilote, mais pas de pilote de combat d'avion à très haute performance. Donc c'était un peu plus risqué pour la NASA, je dirais, mais sans que ça remette en cause le fait, je vous dis que, à mon avis, ces femmes auraient été tout à fait capables de réussir aussi bien que les hommes des First Seven, ces premières missions. Ce qui est intéressant, c'est que on va parler hein, de ces des différents vols, des missions de ces Mercury 7. Ils sont présentés le 9 avril 1959 à Washington par la NASA. Et là, d'un seul coup, il y a aussi quelque chose qui se produit, c'est qu'il y a une sorte d'enthousiasme, d'engouement, de storytelling, comme on dit aujourd'hui, vraiment national, de héros populaires. C'est vraiment les héros américains qui vont être là pour faire tomber, pour reprendre l'avantage sur les méchants communistes, quoi. Oui, effectivement, c'est un concours de circonstances. Pas de circonstances, mais je veux dire, il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dedans. C'est, on trouve une solution, apparemment, qui va nous aider, nous, peuple américain, patriote, à battre les soviétiques. Donc, on vénère ceux qui vont nous aider à gagner cette course. Et en plus, ces pilotes d'essai qui étaient connus dans le milieu aéronautique, dans l'industrie, dans leur armée respective, ils n'étaient pas connus du grand public. Mais les médias vont en faire des héros et des stars sur qui on compte, sur qui le peuple compte. Vous interrogez tous les Américains de l'époque et tous disaient, on avait besoin de ces hommes-là pour rattraper notre retard sur les Soviétiques. Et ils deviennent un véritable phénomène médiatique. Hein. Le magazine Life leur propose 500 000 dollars pour documenter leur vie. Leurs femmes deviennent des héroïnes. Enfin, il y a vraiment toute une narration, presque une série, qui n'est pas encore évidemment de la télé-réalité, mais en tout cas une sorte de série-réalité qui va se déployer dans la presse magazine et qui va transformer ces hommes-là en véritable mascotte populaire. Effectivement, il n'y avait rien de défini à l'époque, donc quand le magazine Life leur propose une exclusivité, en échange de quoi ils reçoivent une somme d'argent importante, et qui représente plusieurs années de salaire, ils reçoivent la garantie que tout article sera soumis à leur approbation avant publication, ils se sentent protégés. Alors, ils avaient l'habitude d'être regardés un peu comme des héros déjà, mais pas aux yeux de la nation, c'est aux yeux de leurs proches, de leurs voisins, de la famille qui a toujours admiré, on a toujours admiré ceux qui sont pilotes d'essai. Je me souviens, moi, enfant, je lisais le colonel Rozanov, mon père était pilote de chasse, et j'admirais ce qu'il faisait, et je lisais tous ses romans, mais parce que j'étais dans le milieu. Mais il n'était pas connu publiquement de toute la nation. Là, donc ça va être à l'échelle de tout le peuple américain, et c'est vrai que cette proposition du magazine Life leur apparaît comme une forme de protection, d'une part, et qui en même temps est assez lucrative. Il n'y avait pas de règle à la NASA pour l'interdire, alors qu'aujourd'hui, vous savez que tous les astronautes qui partent dans la station spatiale signent, moi-même je l'ai signé dans les années 90 comme étant un des astronautes potentiellement affectables à une mission ISS, on signe le Crew Code of Conduct. On signe aujourd'hui un document d'une dizaine de pages qui s'appelle le Code de conduite des astronautes, et dans lequel il y a des règles d'éthique et qui, entre autres, interdisent ce genre de deal avec un magazine. Alors, c'est les petites histoires dans la grande histoire et qui sont d'ailleurs assez bien racontées dans l'étoffe des héros dans le film et qui montrent un peu plus les aspérités parce qu'il y a évidemment une volonté de faire de ces boys, des boys un peu exemplaires, les typiques garçons américains propres sur eux qui sont de bons croyants et qui vont servir la patrie, Dieu et la famille. Évidemment, les choses sont un peu plus complexes que ça, mais on va revenir plus à l'aventure spatiale. Pour le reste, vous pourrez aller regarder soit le film de Kaufman si vous ne l'avez pas vu, soit la série en ce moment diffusée sur Disney+. Si on revient à la conquête spatiale, le premier, en fait, ce n'est, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-François Clairvoy, pas du tout John Glenn. Le premier américain à piloter dans l'espace, c'est Shepard. On est en mai 61. Oui, c'est incroyable parce que la série, d'ailleurs, ce qui est très appréciable dans la série, elle s'attarde pas trop sur les aspects techniques et vraiment techniques, mais surtout sur l'aspect humain, familial, social, culturel. Et ce qu'on voit bien dans la série, c'est que sur les sept, en fait, il y en a deux qui vont être proches ou subir directement un problème médical. Quand on exerce un métier de ce genre, c'est comme une épée de Damoclès. Tous les 6 mois ou tous les ans, vous allez passer une visite médicale qui va vous dire si vous êtes apte à continuer ou pas un métier très exigeant sur le plan de la vue, de l'oreille interne, de l'aptitude physique de façon générale. Et on voit bien dans cette série que Alan Shepard est conscient qu'il a un problème de l'oreille interne. Il arrive à le maîtriser pour le cacher aux sélections officielles, et il arrive à voler. Alors que peu de temps après, il sera disqualifié médicalement, il quittera la NASA, et après il a un parcours extraordinaire, puisqu'il finit par se faire opérer plusieurs années plus tard, et il finit par marcher sur la Lune, ce qui est incroyable. Et Dick Slayton, sur les 7, ne vole pas, alors qu'il a passé des tas d'examens médicaux, donc on finit par se dire, bon, c'est la crème de la crème, même sur le plan des critères médicaux, et pourtant, le médical peut vous tomber dessus à tout moment et vous déclarer inapte. Et ça, c'est le fait qu'Alan Shepard arrive à voler malgré sa connaissance intime, qu'il a une susceptibilité sur une oreille interne et donc le sens de l'équilibre, l'oreille interne, c'est ce qu'on appelle les vestibules qui donnent le sens de l'équilibre. Il arrive à voler et effectivement, il fait très bien son job et personne n'en saura rien jusqu'à ce qu'une visite médicale plus poussée plus tard dévoile son problème qui n'était qu'intermittent, heureusement. Bien sûr, il faut rappeler tout de même que donc dans cette petite capsule Mercury qu'on a décrite, hein, que dont vous pouvez retrouver les photographies ou les descriptions sur notre fil Twitter, ils sont pas très très protégés quand même, hein. Ils prennent Alan Shepard à la décélération, il prend 11G. 11G, c'est très important. Vous pouvez nous dire à quoi ça correspond, peut-être Jean-François Clairvoy, ou c'est par rapport à ce que les astronautes encaissent aujourd'hui au décollage ou à l'atterrissage. 11G, moi, ça me paraît gigantesque. Oui, alors, le nombre de G, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est le nombre de fois que vous ressentez votre poids par le fait d'être pressé sur votre siège à cause d'une accélération. Alors, par exemple, quand vous accélérez en avion ou en voiture, vous sentez une poussée du dossier sur votre dos. Imaginez que vous êtes au bout du bras d'une centrifugeuse qui tourne très vite, donc vous imaginez bien que vous êtes tassé vers l'extérieur, vous avez tendance à presser sur l'extérieur du bras de cette centrifugeuse. Et le nombre de G, c'est le nombre de fois que l'on supporte son propre poids. C'est-à-dire que si dans une centrifugeuse à 5G, vous vous mettez assis ou debout sur une balance, vous lirez une valeur qui vaut 5 fois votre poids. Alors, ce qui est très important, c'est de distinguer deux axes. Il y a l'axe vertical de la tête vers les pieds, qu'on appelle communément dans notre langage l'axe Z, on va dire l'axe vertical. Le nombre de G dans cet axe est très difficile à supporter au-delà de 5, sans pantalon anti-G. Avec un pantalon anti-G, les pilotes de chasse aguerris arrivent à monter à 9 ou 10 G. Sur l'axe X, l'axe d'avant en arrière, tassé sur votre dos, on peut supporter jusqu'à 10, 11 G sans problème. C'est un peu douloureux, c'est comme on le vit comme une véritable agression physique, mais c'est supportable. C'est pour ça que tous les décollages de fusées, depuis la première de Gagarine jusqu'à nos jours, se font toujours, pour les astronautes, dans une position couchée face au ciel. Donc la pression se fait du dos vers l'avant, et pas du haut vers le bas qui viderait votre cerveau de l'alimentation sanguine qui fait qu'on a le voile noir et qu'on tombe dans les pommes. Donc 11 G, c'est très élevé, mais pour des personnes aguerries aux violences physiques du combat aérien, des vols d'essai, c'est supportable. Et même, je dirais, la plupart de nos auditeurs, on les met dans une centrifugeuse, bon, à condition qu'ils ne paniquent pas, hein, mais on les met dans une centrifugeuse à 10 G allongée, donc pour subir ce nombre de G dans le sens de l'avant vers l'arrière, tassés sur leur dos, leurs fesses et leurs jambes. Ils auront l'impression d'être agressés physiquement, mais il n'y a pas de danger et ils resteront éveillés. Mais c'est très élevé, effectivement. C'est physiquement assez agressif. Le deuxième vol, après très très peu de temps, parce que ces missions Mercury s'enchaînent très rapidement les unes après les autres. Je vous dis, Shepard, 5 mai 61, février 62. Ah non, pardon, le deuxième vol, c'est 21 juillet 61, c'est Gus Grissom, qui fait lui aussi, alors on est encore en vol suborbital, c'est-à-dire qu'on fait encore des sauts de puce. Ce sont pas, c'est pour ça qu'on les retient moins que John Glenn, on ne fait pas encore de vol orbital complet. Voilà, on donne juste la vitesse qui permet d'atteindre l'espace. C'est exactement l'objectif de deux initiatives privées actuelles qui vont pour la première fois pouvoir emporter des passagers payants entre 200 et 300 000 dollars le ticket pour 5 minutes dans l'espace. C'est avec la capsule New Shepard de la société Blue Origin de Jeff Bezos et avec le vaisseau Spaceship 2 de la société Virgin Galactic, donc soutenue par Richard Branson. Donc ce sont ce qu'on appelle des vols suborbitaux. Vous avez juste assez d'élan verticalement pour atteindre l'espace. Mais si vous n'avez pas de vitesse horizontale, vous redescendez. Et pour rester en orbite, donc être sur une trajectoire de chute libre, de pure chute libre, qui manque la Terre en continu, c'est le principe de la vitesse orbitale, il faut atteindre 28 000 km par heure horizontalement. C'est-à-dire qu'il faut que la fusée accélère encore 10 fois plus. En gros, un vol orbital nécessite 100 fois plus d'énergie, c'est-à-dire une vitesse 10 fois plus grande, que le vol suborbital. Et comme vous le dites, Shepard et Grissom, c'est un vol de juste 5 minutes dans l'espace, ils arrivent autour de 150 km d'altitude à peu près. Et donc vient février 62, John Glenn, le fameux premier vol orbital américain. On est tout juste 10 mois après le vol de Gagarine. Quelle est la différence entre le vol de Gagarine et le vol de Glenn, Jean-François Clairvoy? Alors, il y a deux différences principales. Je vais parler des ressemblances d'abord. Ils sont seuls dans leur capsule. Voilà. Et ils ont peu de possibilités de manœuvre. Ils peuvent reprendre manuellement, mais de façon assez basique. Mais Gagarine ne fait qu'une orbite et il ne se pose pas avec sa capsule. Il s'éjecte de sa capsule et se pose en parachute sur la terre ferme. John Glenn effectue trois orbites au lieu d'une seule et il se pose dans sa capsule. Mais il se pose en mer avec le seul ralentissement des parachutes parce que c'était trop compliqué de concevoir, de mettre au point, de qualifier un système d'atterrissage en douceur sur Terre. Donc voilà, la différence principale, c'est une orbite par rapport à trois et retour sur Terre plutôt que retour en mer. L'un dans sa capsule et l'autre en parachute. On peut dire qu'avec Glenn, les principaux objectifs du programme Mercury sont déjà remplis, c'est-à-dire au bout du troisième vol, en fait, c'est un succès pour la NASA. Oui, tout à fait. Ils savent ils sont sur la bonne voie, mais il y a certains objectifs qui ne sont pas encore atteints parce que pas encore inclus dans le programme de vol. Donc c'est Scott Carpenter, En donc le mai vol 62. suivant, qui va commencer à faire plus de manœuvres pour changer d'orientation son vaisseau. Mais avec Mais des vrais effectivement. problèmes, avec Carpenter, avec des vrais problèmes, puisque au retour sur Terre, il va avoir un problème de pilotage du vaisseau qui va arriver à 400 km de son point prévu normalement d'amérissage. Oui, apparemment, à cause d'une consommation de carburant trop élevée pendant sa phase orbitale. En gros, le centre de contrôle l'a laissé faire un peu trop de manœuvres qui a consommé du carburant par rapport à ce qui était prévu. Et il fait une rentrée dans l'atmosphère un peu moins verticale, si je puis dire. Donc, il va se poser plus loin, mais il rentre totalement sain et sauf. Et on connaîtra encore deux vols à la suite, celui de Wally Schirra et Octobre de 62 Gordon Cooper. et Gordon Cooper en mai 63. Quelle est la, puisque donc ça c'est la fin de la mission Mercury qui va laisser place à la mission Gemini. Comment se fait-il par exemple que ces Mercury 7, alors certains ont volé à nouveau sur d'autres missions, d'ailleurs de façon parfois dramatique, puisque pour Apollo 1 ça a coûté la vie à l'un d'entre eux. Mais comment se fait-il que finalement ces Mercury 7 n'aient pas prolongé dans le programme Gemini ou plus tard dans le programme Apollo? Alors, c'était le but, en fait. C'était le but que ces Mercury 7, avec l'expérience acquise lors de leur vol sur Mercury, ben, volent sur Gemini, voire sur Apollo. Alors, si on les prend un par un, Alan Shepard disqualifié médicalement. Gus Grissom, il fait le premier vol Gemini habité avec John Young. Donc, on utilise bien l'expérience des First Seven sur le programme Gemini. Puis, il revole sur Gemini. Et on le nomme commandant de bord d'Apollo 1. Qui malheureusement périt lors d'un compte à rebours de répétition C'est 15 ça, jours avant le décollage, sur le mais bas de au sol. cœur, oui. Après, on prend John Glenn. Alors, il est choyé, John Glenn. C'est le héros national le plus populaire à travers les États-Unis. Et donc, on attend avant de le refaire voler. Donc, il quitte la NASA et finalement, il se lance dans une carrière de business privé, puis dans la politique, en étant 25 ans sénateur. Après Scott Carpenter, alors, il revole sur Gemini, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Cooper vole sur Gemini, Wally Schirra, il vole sur Gemini et sur Apollo 7. Donc, en fait, c'est Mercury 7. À part des raisons malheureuses comme Gus Grissom qui périt dans le feu d'Apollo 1 et les deux recalés médicalement vont servir la suite du programme. Et un dernier mot pour conclure très très rapidement, Jean-François Clairvoy. Aujourd'hui, quelles sont les différences principales entre ce qu'ont vécu ces Mercury 7 et le parcours des astronautes que l'on forme aujourd'hui au XXIe siècle? En deux mots vraiment. Alors, le métier d'astronaute reste le même, c'est opérateur de machines complexes en environnement extrême, hostile. Sauf que les machines complexes sont maintenant énormément gérées par ordinateur de façon automatique. Donc, il y a toujours à gérer le vaisseau, le bras robotique, le scaphandre, mais beaucoup d'appareillages scientifiques. Donc, les astronautes consacrent beaucoup plus de temps à la science. Et lors de la sélection, on a affiné les critères pour être sûr d'avoir les bonnes personnes sans nécessairement devoir les prendre dans un métier qui était déjà un métier d'opérateur de machines complexes, qui est le métier de pilote d'essai. Donc, c'est ouvert aujourd'hui à un éventail très très large de professions, océanographe, vétérinaire, vulcanologue, chimiste, biologiste, radio, astrophysicien, chirurgien cardiaque, sous-marinier, plongeur. Donc, voilà. Donc, tous les jeunes d'aujourd'hui ont bon espoir si S'ils veulent devenir astronautes. voilà, Merci beaucoup quel que soit Jean-François leur métier. Clairvoy. Merci infiniment d'être venu nous parler de ces Mercury 7. Vous pouvez voir donc l'étoffe des héros, la série en ce moment sur Disney+. Derrière l'étoffe des héros avec ces images incroyables, documentaire d'une heure et demie avec les archives de John Glenn. Si vous voulez en savoir plus sur l'espace, vous pouvez toujours vous rendre en librairie pour trouver La méthode scientifique, l'espace, le livre que j'ai coécrit avec Mathieu Lefrançois. Merci à toute l'équipe de La méthode scientifique. C'était Nasser Moussaoui aujourd'hui à la technique. Demain, en cette période de vote de la loi sur la sécurité globale, nous nous intéresserons aux technologies de surveillance et de contrôle des foules. Notre liberté est-elle menacée par cette technologie de surveillance globale? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.